Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 27, deuxième partie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimounes. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد. Shalom poursuit dans je vais faire le journaliste. Pour le topic. Inch'Allah. Nous sommes toujours en ce qui concerne Al-Fi'l Al-Ajwaf. Voyez, celui dont le Aïn c'est un Harf Illa ou un Alif ou un Waw ou un Ya. Nous, dans le dernier cours, on a pris quoi? Celui dont la... Celui dont la... Aïn devient un waou ou d'un rien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va clôturer avec celui dont le Aïn devient un ya ou un alif. Donc on poursuit avec Al-Fi'l Ba'a, qui veut dire vendre. Il dit تعمل ما يلي حامد باع الرجال باعوا وخلا يعيا il reste à sa base toujours au bandit le bandit آمنة باعت النساء بأنا là il y a un changement à cause de quoi بأنا il y a un changement à cause de quoi pourquoi le alif il est tombé. Et là on dit bi'ana parce qu'au bout d'un lire, le ya il devient un ya. Le alif à fond il devient un ya. Le alif devient un ya, donc on dit bi'ana. Anta bi'ata. Antum bi'atum. Anti bi'ati. Antunna bi'atunna. Ana bi'atu. Wanahnu bi'ana. Quand je te dis ana bi'atu, à la e wazn, sur quelle mesure il est? Ana bientôt. Hein? Là. Filou. Ana au filtou, à fond. Ana filtou. C'est le Aïn qui est tombé. Ana filtou. Ça y est, Bidi. Ça c'est Achar. Asnid, Dja, Wassara. Il est dans ma hier, Kama, wa Kama, Fitamarin et Sabia. Donc là, je fais pareil avec Dja, Wassara. Et les deux, c'est une kasra qui prennent lorsqu'ils sont. Lorsque tu fais tomber l'aïe. Tfaddal. Ma Hamid, wa Arjel, wa Ba'ou, wa Amina. Moi, c'est tout. Je te tiens. Hamidun Ja'a. Arjel Ja'ou. Aminatu Ja'at. An-Nisa'u. Jitna. Jitna. Non. Anta Jitta. أنتم جئتم أنت جئتي أنتن جئتن أنا جئت نحن جئنا نعم مع سارة سارة كيف تدير علي باركورير افانسي كيف تقول نفس الشيء حامد سارة الرجال صاروا آمنة صارت النساء سرنا أنت سرت أنتم سرتم أنت سرتي أنتن سرتن أنا سرت نحن سرنا حسنا طيب عشرون يقول اكرام ما يلي هذه تشوفها ان شاء الله لفاز حاول الترجمه غاب زميلي يوما وانا غبت يومين يعني من كاميراد سيت ابسونتي ان جور نعم اي موا جو مي سي ابسونتي دو جور نعم متى جئت الى الجامعه جئت في ذي القعده يعني كنت اسكو tu es Quand est-ce que tu es venu de la... Ala. Hein? Ala. Tu m'as dit quoi, je comprends pas. Ala. Ala, ah, enfin, à l'université, quoi. À l'université, ma'am? Non. Je suis venu, moi, du... Comment on va traduire? Zulkiad, il n'y a pas de... Zulkiad, ma'am. C'est notre propre. Ça, les femmes? Bikan bi'ta siyarataka ya amro bi'tuha bi 8000 riyal. Combien as-tu vendu ta voiture au Amr? Je l'ai vendue à 8000. 8000 riyals. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم البروفيت ا vécu يعني à مكة à مدينة انا ما جئت بالكتاب انا ما جئت بالكتاب اليوم يا استاذ يعني je ne suis pas venu avec le livre aujourd'hui au professeur. Sirna kilometrain. Et nous avons franchi, passé un. C'est quoi? Parcouru. Non. Hein? 2 kilomètres. Non. Aja'at al-talibatu. Naam. Jitna qabla qalil. Et ils sont elles venues, les étudiantes? Naam. Elles sont venues. Il y a peu de temps. Donc maintenant, on va voir. On reste toujours avec Ba'a. Vous voyez, maintenant on va le voir au Moudaria, au présent. Donc il dit Ta'amel Mayali, Hamidun Yabi'u. Yeb Yabi'u. Donc là, le Aïn, c'est-à-dire le Alif Mardi, il est devenu Aya. Yabi'u, à la Wazn, Esh, Yafi'lu. Yeb Yafi'lu. Un Rijel, Yabi'una. Donc là, il n'y a rien. Aminatu, Tabi'u. Annisa, Yabi'ana. Et là, le yel est enlevé. Pourquoi? Tikon sakinayl avec le aïn. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Antunna tabi'ana. Donc là, pareil, le yel est tombé à cause du aïn qui est avec une soukoun. Ana abi'a. Nahnu nabi'a. Taïb. Sanya Ashrun. Il dit Asnid yasiru. ويعيش إلى الدمائر كما في التمارين السابقة. كسيرو سارة سنبايك باكوير ويعيش سي عاشا سي فيفا. تفضل. حامد يسير الرجال يسيرون آمنة تسير النساء تسيرنا أنت تسير أنتم تسيرون أنت تسيرين أنتن تسيرنا أنا أسير نحن نسير. أصلت. ولما عاش يعيش حامد يعيش الرجال يعيشون آمنة تعيش النساء تعيشن يعيشن نعم أنت تعيش أنتم تعيشون أنت تعيشين أنتن تعيشن أنا أعيش نحن نعيش. أحسنت. طيب لا ما بيجي هذا الموضوع إن شاء الله جزاك الله خير. لكن إذا تكلمت أخبرنا إذا تكلمت سلم بسم الله بسم الله تغفرنا إذا كلام طيب ثالث وعشرون إكرام يالي رأسي باري تجلي لفرد إن شاء الله وتحاول ترجمة منص أبيك دي باري كيف دي مضارع تفضل. يبيع البقال والسكر والملح والزيت والبيض والزبد والجبن يعني الابيسي يبيعون du sucre du sel de l'huile يعني des œufs hein du beurre et du fromage. أحسنت. Ah ouais, j'ai pas vu ça. والدقيق والعدس وما الى ذلك et de la farine et lentilles des lentilles ouais même. Qu'est-ce qui ressemble. Qu'est-ce qui ressemble. Et ainsi de suite. Thaniel. يعيش الأسد في الغابة. يعني le lion. Le lion vit dans la forêt. Ouais. Mais je crois que c'est. Rabat, en fait, ça peut être la forêt, la jungle, mais là, c'est la savane, tu vois. Il faut aller dans la savane, hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'eau dans les forêts. Enfin, à notre époque. Ouais, non. متى يجيء المدير يجيء في الساعة السابعة يعني quand est-ce qu'il vient le مدير le directeur il vient dans une heure لا سابعة non 7h il vient à 7h الساعة أتريد أن تبيع سيارتك يا أستاذ يعني veux-tu vendre ta voiture au professeur قالت المدرسة للمديرة هؤلاء الطالبات يغبن كثيرا. يعني l'enseignante a dit à la directrice, yani ces étudiantes elles se s'absentent souvent. Beaucoup de fois. يسير القطار بالبخار. يسير القطار بالبخار. يعني le train avance avec la vapeur par la vapeur. Ça se répare par la vapeur. Bukhar, la vapeur. Ça va bien. نعم يبيع الفاكهاني الفواكه. يعني le fruitier on va dire, vend des fruits. نعم le fruitier vend des fruits. طيب. Maintenant, il va te montrer jazm. Comment ce verbe il est majdoum. De toute façon, tout ça c'est déjà répété. Ça a déjà été pris avec l'adjouaf, celui dont le ayn c'est un waouh. Non, c'est les mêmes règles. C'est juste que là, la lettre change. Sinon, c'est les mêmes règles. Donc, Rabi Achar, Ta'amel Mayali. Yabi'u. Ça c'est marfoua. Il n'y a rien. Maintenant, on va rentrer l'âme dedans. Donc, l'origine c'est l'âme yabi'. Cependant, là, on a le ya qui est une soukoun qui se rencontre avec le ayn qui est une soukoun. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le ya et on dit l'âme yabi'. Bachara, à la waz, l'am yafil. À la waz, l'am yafil. Le règne, il est tombé. Donc tu dis, et pareil avec le lainahi, vous voyez, lainahi, qui est jazm, tu dis par exemple, tabi'a, kazalik, là il est marfoua. Donc tu dis, la tabi'u, c'est l'origine. Donc l'authentique, quand il est majoum, tu dis, la tabi'a, bidounia. À la waz, la tafil. La tafil. Et ensuite, l'impératif, le amr de ce verbe, l'origine c'est tabi'u, anta, tu vends. Et l'amr, c'est bi'a. À la waz. À la waz. Fil. Vous voyez, fil. À la base c'est bi'a, mais pareillement, on a là, on a l'ya qui se compte avec le ayn, dit quoi ça qui n'aïn, donc on enlève le ya et on dit bi'a. Vent. Akada. Toyeb. Khamis Achar. Oh, Khamis Achirun, Afouen. Ikra Mayali. Faddal, Ikra. Dis ce qui suit. Aïn al-Mudiru. Lamma yaji. Yani, où est le Mudir? Il n'est pas encore venu. Ya Ali. La tabi hadi siyara. Bi'tilka. Ou Ali ne vend pas cette voiture, vend celle-ci plutôt. Non. Ou Ali t'a dit Kathir Nia Hamid. Ali ne t'absente pas beaucoup, souvent. Ou Hamid. Abir Tessiyar Atakaya Akhi. Là, l'an Abir. As-tu vendu ta voiture à mon frère? Non, je ne l'ai pas vendu. Toyeb. Il dit Moula Hava, remarque. Touktabul Hamzatoufi Yadjiou Bardelia. Lorsque Dja, Yadji, il est marfour et qu'il ne sait rien se passer. Le Hamza, il vient après le Ya. Vous voyez? Et lorsqu'il est majzoum, il s'écrit où? Fok el Ya. Vous voyez? Si tu dis par exemple Lam Yadji ou Lam Yadji, vous voyez? Ou La Tadji, alors il s'écrit où? Le Hamza au-dessus du Ya. Parce que le Ya là qui est ici, c'est plus le Aïn du verbe, c'est juste le coursi du Hamza. Il fait office de socle pour le Hamza. Alors que dans l'autre, le dji là, il y a dji ou, à la base c'est l'aïn du verbe. Vous voyez? C'est le aïn du verbe. Donc c'est pas les mêmes ya. Il y en a un, c'est le aïn du verbe. C'est le d'origine. Et le deuxième, c'est juste le socle sur lequel se pose le Hamza. Ça c'est dans l'agdimla, Inch'Allah. Donc maintenant il va prendre quoi? Le adjouaf, celui dont le aïn, c'est un alif. Et qui reste un alif dans le mudari'a. Il dit Ta'amel Mayali. Hamidun Nama. Donc Nama c'est dormir. El Aouledu Namu. Aminatu Namat. Donc là il n'y a rien. El Benet Nimna. Donc là il y a un changement. Attention. On a le Ya qui est tombé. Le Alif Afwan qui est tombé. Et également par rapport à ça, on met une Kasra. On met une Kasra. Pourquoi? Ça revient à l'origine du mot. Vous voyez? Ça revient à l'origine du mot. Ça revient dans le Sorf. Inch'Allah, c'est pas le sujet du livre. Mais c'est comme ça qu'on dit Nimna. Vous voyez, Nimna. Anta, Nimta. Tu as dormi. Antum, Nimtum. Anti, Nimti. أنتنا نمتنا أنا نمت نحن نمنا نحن نمنا على وزن نحن فلنا نمنا على وزن فلنا إدي 27 أسند خاف وكاد إلى الدمائر كما في التمارين السابق donc je fais pareil là comme avec Hamid tout ça avec خاف qui veut dire avoir peur معروف et كاد qui veut dire faillir et aussi كاد ça veut dire faillir et également ça veut dire rappelle cette كاد إنما يكيدون كيدا وكيد كيدا comploté oui. Mais là ils veulent pas je crois pas ils veulent je sais pas lequel des deux ils veulent si tu dis كاد يكاد c'est faillir. Tu dis kada yakidu, c'est comploter, vouloir tromper. Oui, mais kada, il est. Si tu dis c'est sur le point, c'est sûrement que tu le fais suivre par un verbe. Non. En général, si c'est pour. Donc là, je pense qu'ils veulent comploter, sûrement. Là, à la. Non, je pense que c'est sur le point, parce que les. On verra dans. Quand on est dans le hiwar, tu vois, dans le dialogue, c'était sur le point. De toute façon, les deux, ils sont pareils. Après, c'est dans la phrase, ça arrive à différencier entre les deux. Fadel, khafa. Khafa. الأولاد خافوا آمنة خافت البنات خفنا أيوة donc c'est pareil خافا quand il est attaché à un domir et qu'il est comme ça qu'il est c'est avec une kasra c'est خفنا نعم أنت خفت أنتم خفتم أنت خفتي أنتن خفتن أنا خفت نحن خفنا حامد كاد الأولاد كادوا آمنة كادت البنات كدنا أنت كدت أنتم كدتم أنت كدتي أنتن كدتن أنا كدت نحن كنا أحسنت طيب 28 اقرأ ما يلي لا تجد لي فراز إن شاء الله نام أخي في الساعة العاشرة وأنا نمت بعده بقليل يعني مخي أدومي أدومي à 10 heures نعم j'ai dormi un petit peu après lui نعم ثانيا يعني متى نمتن البارحة يا أخواتي نمنا بعد منتصف الليل يعني à quelle heure avez-vous dormi يعني hier soir oh mes soeurs نعم nous avons dormi à la moitié de la nuit à minuit après منتصف الليل on l'estime à minuit quoi. طيب ثالثا خفت البرد فلم أخرج من البيت اليوم يعني j'ai peur du froid donc je ne suis pas sorti de la maison aujourd'hui. Tu peux dire خفت البرد ou خفت من البرد. Tu peux dire aussi avec من. Ce qui est plus répandu d'ailleurs c'est avec من dans le parler des gens. نعم. لما سمعت هذا الخبر كنت أبكي. يعني lorsque j'ai entendu cette information, j'étais sur le point de pleurer. أدفترك هذا ظننته دفتر دفترتي دفتري نعم دفتري وكدت أكتب عليه أمس يعني أكتب عليه اسمي جي دي كومو أمس نعم اسكو جي أنتوندو أوكي لوكتور اسكو سيلا إي تون كايي جي بونسي أن كو سيليسي إيتي لو ميان إي جيتي سور لو بوان ديكريغ مون دوسي مون نوم نعم اسكو مون نوم دوسي سادسا أنامت البنات نعم نمنا قبل قليل يعني لي لي في اونتي دورمي تل تل دورمي بلوتو نعم وي elles ont dormi un peu avant juste un peu avant نعم نمت البارحة مبكرا يعني j'ai dormi hier soir j'ai dormi tôt hier soir نعم déjà je me suis couché tôt hier soir c'est ça qui va me faire comprendre طيب أحسنت 29 تعمل ما يلي maintenant c'est le مضارع طيب le مضارع du fil ajwaf dans le عين c'est un alif et qui reste un alif au مضارع حامد ينام donc حامد dort الأولاد ينامون آمنة تنام البنات ينمن ينمن عفوا طيب ينمن أنت تنام أنتم تنامون أنت تنامين أنتن تنمن أنا Anamu. Nahnu, nanamu. Donc il veut que je fasse pareil. Asnid, yakhafu. Wa yasha'u, il a le damaïr. Kama fi, tamelin sabiq. Yakhafu, avoir peur, yasha'u, vouloir. حميد يخاف الأولاد يخافون آمنة تخاف البنات تخفن أنت تخاف أنتم تخافون أنت تخافين أنتن تخفن وأنا أخاف نحن نخاف حامد حامد يشاء البنات يشاء الأولاد مش أنا الأولاد يشاءون آمنة تشاء البنات البنات نعم البنات نعم يشأنا نعم يشأنا وهل يشأنا أنت تشاء أنتم تشاءون أنت تشائين أنتن تشأنا أنا أشاء نحن نشاء نعم رجال جاء يشاء يسون أجوف ويوسي محموز parce que محموز c'est quoi c'est lui dont l'un de ses lettres c'est un حمزة يشاء c'est un حمزة à la fin et جاء pareil طيب 31 إكرام يلي تفضل لي إخاجي أخي الصغير ينام مبكرا أما أنا فأنام بعد منتصف الليلة يعني mon petit frère dort tôt hein, quant à moi je dors à minuit ثانيا متى تنامين يا خديجة أنا في الساعة العاشرة والنصف يعني كنت أسكو شو دور هو خديجة je dors à 10h30 نعم أتنامون بعد الغداء يا إخوان نعم ننام لمدة نصف ساعة يعني dormez-vous après le déjeuner ou les frères. Oui, nous dormons pour une durée. Pour une durée, Yanni, de 30 minutes. Une demi-heure, non. Rabian. Ala takhafullah, ya rajul, bala akhafuhu. N'as-tu pas peur d'Allah, ô homme? Bien sûr, je le crains. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui. Non. Qala talibul jadid lil mudarris, ayna ajlas ya ustad? Hein? جلس يجلس أين أجلس يا أستاذ قال له المدرس اجلس حيث تشاء يعني le nouveau étudiant a dit au professeur où pourrais يعني où je m'assois au professeur le professeur lui a dit assieds-toi où tu veux la haythu c'est un ظرف مكان qui est dans le sens de أين ça se dit pas اجلس أين تشاء قال الله تعالى في القرآن الكريم لله الملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يعني à lui appartient les cieux et la terre et la royauté des cieux et de la terre la royauté des cieux et de la terre et des cieux et de la terre et il crée ce qu'il veut نعم هو يخافوني يخافوني يعني lui il me craint. Il a peur de moi. Il a peur de moi, il me La crainte, c'est plus rochia. Il y a une différence entre la crainte et la peur, même en arabe. Vous voyez ? La crainte rochia, c'est quoi ? C'est le khouf ma'a al-ilm, comme tu as dû le prendre. Oui, mais le français, peur, crainte, c'est des synonymes, il n'y a pas de différence. Ouais. Crainte. Hmm. C'est le ranam. C'est plus Taïeb. Spécifique. Snenu Aïssa wa thalathun. Ta'amel mayali. Maintenant, il va t'apprendre quoi ? Le majdoum et le am. Ya naimu, là il est marfou, il n'y a rien. Si tu rentres l'aim, ça va être quoi ? L'aim ya naim. Cependant, on est tikos akinein, entre le alif et le mim, donc on dit l'aim ya naim, sans alif. Après le am, ta naimu, donc l'origine de am c'est naim. Et là, pareil, on a le tikos akinein entre le alif et le mim. Donc on fait tomber l'alif, donc on dit nem. Ayeb anta, nem. Et avec le nahi, l'interdiction, tu dis tanaemu, ça c'est le marfou. Donc là on veut dire ne dors pas. La tanaem. Ben là pareil, on a quoi ? Une rencontre entre le alif et le mim, avec le soukoun tous les deux. Donc on dira quoi ? La tanaem. Sans alif. Ayeb. Maintenant, il est où Salafa Salasoud, Nikram Ayali. Et ce qui suit Faddal. Non. Nama zumalai walam anam. Yani mon camarade a dormi, et moi je n'ai pas dormi. La tanam fil fasli ya Ahmed. Ne dors pas dans la classe, oh Ahmed. Khatha rabbaka. Yani aie peur de ton Seigneur. La takhaf. Sayakounu l'intihan ou serlan. N'aie pas peur. Yani l'épreuve sera facile. L'examen. Yani l'examen, non. Ya Othman, anta na'san. ألن تنم بالليل؟ بل بلى نمت ولكن نمت ساعة فقط. أو عثمان. tu es fatigué. Piqué du nez. C'est quoi on va dire tu es Hassan. Piqué du nez. Piqué du nez. Côté comme ça là. Côté de ta part là. C'est comme ça piqué du nez. Hein. Ouais. Tu somnoles. Tu somnoles. Voilà. C'est mieux, voilà. Sommeil léger quoi. Non. T'es en train de partir en fait tu vois. Mm. Ne dors-tu pas la nuit? N'as-tu pas dormi cette nuit? Ah voilà, Alam. Ne dors-tu pas? N'as-tu pas dormi la nuit? Bien sûr, j'ai dormi. Ouais, mais par contre, j'ai dormi une heure pas. Non. Tayeb. Arabia Salasoud. Ikra al-kalimat al-atiyata wa ktubaha ma dhabt al-harf al-awwal. Donc, lis les verbes suivants. Prononcez. C'est tous des verbes en mot. Koul, koul, di, bi, vent, zour, visite, dour, goutte, haf, épeur, tim, kum, demain, lève-toi, nam, nam, dors, nam, sum, jeune, sir, avance ou va ou parcours, koul, sois, nam. Tayeb, maintenant il te fait un khurasa. Tayeb, des trois sortes de verbes ajouf avec le alif, ou avec le ya, ou avec le waou. En premier, il dit kala yakoulou. Tayeb, le alif, il devient waou. Tu dis anta kulta, ana kultu. Ça veut dire que ça devient quoi? Il prend une dhamma au début. El amr, l'impératif, kul. Ba'a yabi'ou. Le alif, il devient quoi hein? Un ya, dans le mudalia. Tu dis au mardi anta bi'ata. Anna bi'atou. Et le amr, l'impératif, c'est bi'a. Naama yanamou. Le alif, il reste tel quel au moudalia. Dans mardi, tu dis anna nimtou. Donc là, attention, tu mets une kasra en dessous du fa, c'est-à-dire le noun. Anna nimtou. Afon anta nimta, anna nimtou. Et le amr, c'est même. Maintenant, le nouveau vocabulaire. Il dit kamil. C'est-à-dire quoi, kamil? Complet. Complet, entier, naam. Al-milh. Moussel. Non, moussel. Al-adas. Lentilles. Les lentilles. Al-qitar. Train. Non. Muntasif al-layl. Minuit ou moitié de la nuit. Non. Gharaba. Yaghlibou. Dominé. Dominé, prendre le dessus, gagner. Non. Souda'oun. Mal de tête. Non. Non, migraine. Zaytou. L'huile. L'huile. Al-baqalou. L'épicier. Non. Al-Bukharu. La vapeur. Nam. Haythu. Où. Ça veut dire où, ça peut dire aussi quand. De telle sorte. Il y a plein de sens. Mais là, ouais, dans le texte, ça voulait dire où. Kazaba yakzibu. Kazaba yakzibu. Mentir. Mentir. Mashroulun. Inoccupé. Nam. Al-Djubun. Fromage. Al-Djubun, enfin, j'ai dit Djubun, c'est Djubun. Al-Djubun. Nam. Baydatun. Jam Bayd. Œuf. Elle fait qui hani fruitier. Yanbari, yani, ça vient du verbe inbara, c'est il faut. Il faut quoi. Non, Marcel, il faut ou il convient. Yanbari interprète kaza, il faut que tu fasses cela. Zou al-Kaada, c'est le nom du mois. Le nom du mois du. On fait quoi, Zou al-Kaada? Qu'est-ce qu'on fait à Zou al-Kaada?